C'est absolument incroyable. En fait, en janvier 2017, la commissaire européenne à la concurrence, qu'on a déjà entendu dans le récit, Margrethe Vestager, a détaillé ce que la Commission européenne reproche à Engie. Et c'est exactement la même chose que ce qu'elle reproche à beaucoup de multinationales qui ont déjà été condamnées par la Commission européenne. Oui, mais là, gros, là, une part du capital est détenue par l'État. Absolument. C'est là où c'est absurde, là, totalement absurde. La Commission européenne estime qu'entre 2009 et 2015, donc on est au moment où Michel Sapin était ministre, Michel Sapin, on l'a entendu dans le récit, regrettait fortement ces pratiques. Bon, bah, Engie, qui est détenue en partie par l'État, aurait économisé entre 2009 et 2015 300 millions d'euros par des montages au Luxembourg. Effectivement, on a entendu Michel Sapin dire que ce n'est pas acceptable. Ça veut dire que ce n'est pas moralement acceptable, puisque l'optimisation fiscale est légale. Question naïve, changeons la loi. Oui, c'est une question simple, mais la réponse est très compliquée. Évidemment. Parce que pour changer la loi pour l'Union européenne, il faut que, sur les questions fiscales, il faut que tous les pays de l'Union européenne, les 28 États membres, soient d'accord. Il faut l'unanimité. Et sur ces questions-là, le Luxembourg, mais aussi l'Irlande, les Pays-Bas, plusieurs pays de l'Est, la Pologne, bloquent systématiquement ou quasi systématiquement. Donc les choses bougent, il y a des changements de règles qui ont été décidés, il y a vraiment des évolutions qui sont en cours, notamment et principalement grâce au scandale LuxLeaks. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner en réalité et si les entreprises pourront continuer ou pas à payer très très très peu d'impôts alors qu'elles devraient en payer des centaines de millions d'euros de plus. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire en sorte que tout ce qui est du domaine de l'optimisation fiscale, donc légale, devienne évasion fiscale, donc illégale. Ce serait peut-être ça le cap. Ouais. Hein. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des problèmes de définition. Comment vous définissez, où vous mettez les limites? Est-ce que vous dites que tout à coup, dans une multinationale, on peut plus faire des prêts entre filiales? Que vous pouvez pas décider de rémunérer le fait que vous détenez une marque mondialement connue? C'est très compliqué de savoir où vous voulez mettre les limites. Et bien sûr, les lobbyistes et beaucoup d'États et de gouvernements sont très réticents. Puisque l'intérêt pour le Luxembourg, mais aussi pour plein d'autres pays, c'est qu'en offrant des conditions fiscales très avantageuses, eh ben, ils attirent sur leur territoire beaucoup d'entreprises, au moins sur le papier. Sauf que le préjudice est important, puisque tous les États européens, par exemple, à part l'Allemagne, ou dans une moindre mesure, connaissent de graves problèmes de finances publiques et ne peuvent pas mettre en place des politiques sociales. Ça, c'est quand même un enjeu qui est très important. Est-ce qu'on ne se trompe pas de priorité? C'est vrai que c'est important, je pense, de rappeler quand on parle d'impôts qui ne sont pas payés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États ont moins d'argent pour financer les routes, les hôpitaux, les services publics, les politiques sociales. C'est là le souci. Donc effectivement, les États acceptent, pour attirer des entreprises, acceptent de se priver de moyens pour mener les politiques qu'ils pourraient mener. Alors, on va parler des procès, de l'affaire LuxLeaks. Vous étiez présent lors du premier procès en 2016, celui que nous avons évoqué dans le récit, c'est ça? Pour Mediapart. Qu'est-ce qui a révélé ce procès? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, là ça va bouger, c'est un moment important? Oui, c'est un moment important pour Mediapart. Je m'étais déjà rendu au Luxembourg avant les procès, et j'avais vraiment découvert à quel point toutes ces questions, alors là sur l'optimisation fiscale, mais aussi l'évasion fiscale des particuliers, c'était un tabou ultime. Vraiment touché à ce qu'on appelle la place financière au Luxembourg, c'était impossible. Moi, j'avais jamais vu ça. J'ai rencontré des militants, des membres d'ONG qui ne voulaient pas parler publiquement. Ils ont rédigé des rapports très détaillés sur les pratiques au Luxembourg, sans mettre leur nom. Ça, je n'avais jamais vu ça. Bon, le procès, le scandale LuxLeaks, et surtout les différents procès et le fait que la figure d'Antoine Deltour soit devenue une figure majeure, ça a fait beaucoup bouger les choses au Luxembourg et en Europe. C'est-à-dire que les questions sont arrivées sur la table. On a pu enfin en discuter. Jusque-là, c'était impossible. Donc, pour Mediapart, effectivement, j'étais en 2016 au procès en première instance, et puis je suis retourné pour l'appel en 2017. Bon, les choses évoluent. En janvier de cette année, la Cour de cassation a cassé le jugement. Ça veut dire que le volet judiciaire concernant Antoine Deltour est terminé? Alors, c'est 6 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende? Non, même pas. Antoine Deltour, il a été entièrement blanchi. En fait, il a été condamné en première instance, en 2016. Ah, ça, ce que je viens de dire. Alors même 12 mois avec sursis. Ensuite, en appel, à 6 mois avec sursis. Voilà. Avec un jugement, les deux fois, c'est un jugement très contradictoire qui dit, oui, c'est vrai, Antoine Deltour est un lanceur d'alerte. Mais bon. Ce qu'il a fait mérite quand même d'être condamné. Donc c'est très étonnant. Et c'est ça que la Cour de cassation du Luxembourg en janvier 2018 a cassé, annulé, en disant non mais c'est un lanceur d'alerte, il doit être blanchi de toutes les accusations. Et ensuite, la Cour de cassation a renvoyé encore, a dit bon, il faut quand même juger parce qu'il est parti avec des documents internes. Et donc ça a été fait en mai 2018. Et bon, la justice luxembourgeoise a définitivement jugé que partir avec des documents de formation interne accessibles librement sur l'intranet de l'entreprise, ce n'était pas condamnable. Donc Antoine Deltour est totalement blanchi. Alors, bien, c'est, ouais. Oui, un autre front judiciaire a été, pardon de vous couper, mais je vous en prie. Plusieurs chapitres à aborder. Un autre front judiciaire a été ouvert autour de cette affaire à l'initiative du journaliste Édouard Perrin. Tout à fait. Il a attaqué la multinationale PricewaterhouseCoopers, estimant que le secret des sources n'avait pas été respecté. On va l'écouter, hein. C'était en novembre 2017 au micro de Rachel Noël de France Bleu. Alors moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir utilisé une procédure devant un juge civil en France pour conduire l'équivalent d'une instruction criminelle, c'est-à-dire de pouvoir faire une perquisition. Elle leur reproche surtout d'avoir, par cette procédure, violé le secret des sources. Ce qu'ils ont demandé à la juge Messine en 2014, c'est de pouvoir non seulement saisir le matériel informatique de Raphaël Allais, mais de pouvoir saisir aussi toute sa correspondance, y compris les correspondances avec un journaliste. Et on a une loi en France, qui est une vieille loi, qui date de 1881, sur la liberté de la presse et qui interdit formellement toute atteinte directe ou indirecte à la protection des sources. Ce qui s'est passé dans cette affaire LuxLeaks rend compliqué l'assurance que les journalistes peuvent donner à des sources et donc compliqué d'enquêter. Pour moi, une des premières raisons pour lesquelles je mène ce combat-là, c'est de faire en sorte que plus jamais un juge civil ne sera utilisé par une multinationale ou une entreprise pour aller accéder à la correspondance entre une source éventuelle, qu'il soit lanceur d'alerte ou pas, et un journaliste. Bien. Un an après, où en est cette procédure ? Alors, le journaliste Édouard Perrin a été débouté, c'est-à-dire que la justice française a estimé que non, cette histoire n'était pas une violation du secret des sources et de la protection du travail des journalistes, mais il va faire appel. C'est quand même une affaire importante, faut avoir en tête ce que ça veut dire. On est juste après le dévoilement de l'affaire LuxLeaks et PricewaterhouseCoopers va voir la justice française en disant « Bonjour, j'aimerais aller saisir toutes les correspondances privées d'un de mes employés, est-ce que vous me donnez le autorisation de le faire ? Ils disent oui, et donc dans le lot, oui, il n'y a pas de problème, et vous pouvez même prendre les correspondances entre Raphaël Allais, ce lanceur d'alerte, et un journaliste, ce qui effectivement en France, normalement, est totalement interdit. Bien, alors, ça nous permet donc d'aborder la question de la protection des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'on peut dire qu'on est... Alors bien sûr, il y a des cas ponctuels, la justice statue, mais globalement, on est... Protégés, ils sont protégés en France, alors, en Europe, quand, en tant que citoyen, je rappelle, hein, ils fournissent à des journalistes. Ouais, c'est bien parce qu'il y a un filtre aussi, hein, ça c'est intéressant. Ouais. Il faut que notre profession soit aussi le filtre. Donc quand on fournit des informations comme ça, on se met en danger ou ça évolue un peu ? Les deux, mon capitaine, on se met en danger, mais ça évolue. En France, en tout cas, en France, on a voté ce qui s'appelle la loi Sapin 2, du nom toujours de ce ministre Michel Sapin. En fait, depuis le 1er janvier de cette année, les lanceurs d'alerte sont protégés en tant que tels. S'il révèle des crimes et des délits, mais aussi des faits graves, en gros, pour dire les choses. La loi prévoit qu'ils ont le droit de le faire. Normalement, ils sont d'abord censés aller voir leur supérieur hiérarchique pour dénoncer les problèmes qu'ils constatent. Mais s'il y a un danger grave et imminent, ils ont le droit de rendre ces informations publiques. Donc voilà, donc ça c'est sur le principe. Bon, après, pour l'instant, on n'a pas encore vu un lanceur d'alerte qui a été blanchi par la justice grâce à cette toute nouvelle loi. Voilà, ça c'est pour la France. Puisque vous parlez de toute nouvelle loi, il faut absolument citer celle-ci, car elle est au cœur de notre sujet, la loi sur le secret des affaires. C'est une proposition de loi, donc ça vient de députés, les députés En Marche. Et lorsque Emmanuel Macron était ministre des Finances, il était très favorable à un texte comme ça. Il a fait marche arrière. Là, c'est plus facile. Hein. Ce n'est pas un projet de loi donc, qui émane du gouvernement. C'est une proposition de loi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Globalement, que les journalistes ne pourront plus aller fouiller partout et que des affaires comme, je sais pas, le Mediator, le Panama Papers, ne pourraient plus voir le jour si c'est mis en place. Est-ce que c'est un peu alarmiste, ce que je dis, ou est-ce qu'il y a un vrai danger ? C'est-à-dire que, vraiment, on se pose la question. La loi, elle a été définitivement adoptée le 21 juin. Donc, ça y est, elle va rentrer en vigueur. Ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller de prendre des documents ou de diffuser des documents internes à une entreprise. Voilà. Alors, sur le papier, elle met des garde-fous et des barrières pour les journalistes et pour les lanceurs d'alerte. Mais on ne sait pas du tout comment ça va tourner. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que la justice dise, après des années de procès, oui, c'est vrai, ce journaliste avait le droit de diffuser ou même de détenir ce document-là. Mmh. En fait, ce que les craignent vraiment très fortement les journalistes, c'est que ce soit un outil de censure, parce que ça permettra aux entreprises d'attaquer en justice. Rien ne dit que l'entreprise gagnera en justice. Et même, il est même plutôt probable que l'entreprise ne gagne pas. Mais ça sera des années et des années de procès et beaucoup d'argent à engager. Et donc surtout, ça va, je pense clairement, dissuader les lanceurs d'alerte. Clairement, c'est tout à fait ça. Bon, alors il y a eu plusieurs avancées importantes, on l'a dit, mais qu'en est-il sur les faits qui ont été reprochés au Luxembourg et aux multinationales? On parle des taxes rolling, faut en reparler un peu. Quand est-ce qu'elles ont été inventées, à quoi servent-elles rapidement? Parce qu'on l'a dit dans le récit, mais ça a évolué, c'était en 2016, je rappelle. Oui, mais les taxes rolling existent toujours. En français, on appelle ça un rescrit fiscal. Enfin, c'est vraiment tout bêtement un accord entre une entreprise et l'État. Et on se met d'accord en avance sur le montant des impôts, sur le pourcentage d'impôts qui vont être payés selon telle et telle pratique. Bon, ça existe partout. Ce qui est compliqué, ce qui est très problématique, c'est que ces accords sont secrets, ou en tout cas longtemps étaient secrets, et qu'ils sont utilisés de fait pour faire baisser les impôts et pour attirer des entreprises sur le territoire. Donc ça existe très fortement au Luxembourg, mais aussi en Irlande, mais aussi aux Pays-Bas, mais ça existe dans plein de pays. Les choses ont quand même évolué. C'est plus contrôlé depuis 2014. C'est plus contrôlé. Mmh. La procédure dont on parlait dans le récit qui a été diffusé, où les entreprises allaient rencontrer Monsieur Marius Kohl au Luxembourg et signer sur un coin de table des accords, tout ça n'existe plus. La procédure au Luxembourg a été un peu revue, mais c'est toujours compliqué de savoir si c'est légitime ou pas. Voilà, la limite est là. Après, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a condamné plusieurs entreprises, plusieurs entreprises sur ce sujet-là. Donc, une filiale de Fiat, Starbucks, Amazon, Apple, et donc bientôt Engie, peut-être, sans doute Engie, et puis sans doute peut-être McDonald's. Donc, ça bouge. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est la commissaire européenne à la concurrence qui attaque et qui gagne en disant c'est pas juste par rapport aux autres entreprises. Si vous n'êtes pas Engie, si vous n'êtes pas Amazon et que vous n'avez pas négocié avec l'État luxembourgeois ou avec l'Irlande, eh ben vous payez beaucoup plus d'impôts. Donc au niveau de la concurrence libre et non faussée, il y a un gros problème. Voilà. Donc on attaque par le biais de la concurrence et pas par le biais de la fiscalité, parce que sur le biais de la fiscalité, c'est légal. Jean-Claude Juncker marche toujours sur des œufs. Jean-Claude Juncker peut se prévaloir justement d'avoir une commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, qui a fait beaucoup plus que ce que n'avait fait aucun autre commissaire européen. Donc il l'a laissé faire. Alors après, bien évidemment, on peut penser que sans le scandale LuxLeaks, rien n'aurait bougé ou ça aurait bougé beaucoup moins vite. Bien sûr. Voilà. Vous avez parlé de Starbucks tout à l'heure. Il se trouve que hier, Arte a diffusé un excellent documentaire sur cette société. Documentaire réalisé par Luc Herman et Gilles Beauvon et produit par Première Ligne. Dans ce doc, on apprend notamment que depuis son arrivée en France en 2004, il y a donc 14 ans, Starbucks n'a jamais payé d'impôts sur ses bénéfices, malgré un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et l'ouverture de nouveaux points de vente. Et bien voilà ce que répond Olivier de Mendez, directeur de Starbucks France de 2013 jusqu'à 2017. Vous êtes ouvert depuis presque 15 ans en France, ça reste un succès avec un très gros chiffre d'affaires, pourquoi ne pas payer d'impôts aux bénéfices? Alors, aujourd'hui, les gens nous demandent pourquoi on ne paye pas d'impôts. Mais ce n'est pas une volonté de notre part, parce que Starbucks, depuis son arrivée en France, n'a pas fait de bénéfices. Il se trouve qu'on a eu beaucoup de difficultés qui sont des loyers très élevés et des charges salariales qui sont très élevées, beaucoup plus que dans d'autres pays, qui font qu'aujourd'hui, on a un business model qui a du mal à trouver sa rentabilité. Il n'y a pas de volonté de faire de l'évasion. Commentaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait sourire. Il n'y a pas de volonté de faire de l'évasion. C'est compliqué. C'est-à-dire que pendant des années, Starbucks en France a payé, comme on l'a raconté dans le récit sur LuxLeaks, a payé à la marque Starbucks des redevances qui ont été versées dans d'autres pays, a payé le droit d'utiliser des grains de café spéciaux, le droit d'utiliser la marque, le droit d'utiliser une façon d'agencer les locaux. Ce qui fait que toutes ces sommes d'argent sortent des comptes de la filiale en France. Donc oui, la filiale était déficitaire pendant des années et des années, mais ça a été aussi organisé. Voilà. C'était artificiel, quoi. En partie, en tout cas, très artificiel. Depuis 2015, je crois, Starbucks fait des bénéfices en France, mais ils ont accumulé tellement de déficits entre 2004 et 2015 qu'ils ont tout à fait le droit de ne pas payer d'impôts le temps, entre guillemets, d'éponger leur déficit. Voilà. Peut-être qu'on peut signaler que ce documentaire a été réalisé produit par Première Ligne, qui est la société de production d'Edouard Perrin, de Cache Investigation, donc qui tire un peu cette ligne et qui insiste sur ces exemples depuis de longues années. Et ce documentaire est toujours disponible sur le site d'Arte. Tiens, à propos de Starbucks encore, 2015, la Commission européenne l'a condamné pour concurrence déloyale, 26 millions d'euros, l'entreprise a fait appel, je ne sais pas où on en est, l'amende a été payée ou pas? Alors, L'entreprise a fait appel et c'est intéressant dans ces histoires parce que les entreprises font toujours, enfin font appel, même vont contester en fait, ils vont contester la décision devant la Cour de justice européenne et ça prend des années et des années avant d'aboutir aux procédures. Moi, ce que j'aime bien rappeler dans ces procédures, c'est que on marche là aussi encore un petit peu sur la tête parce que Starbucks, Apple, Amazon, ils sont condamnés à quoi ? Ils sont condamnés à payer les impôts au pays qui ne voulait pas qu'ils payent d'impôts. Donc Starbucks doit payer. C'est des impôts. C'est même pas une amende, c'est ça dû quoi. Ils doivent payer des impôts aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas ne veulent pas. Apple qui doit verser la somme record de 13 milliards d'euros à l'Irlande. L'Irlande n'en veut pas. C'est complètement dingue. On marche sur la tête. Donc, on ne sait pas ce que ça va, où vont aboutir toutes ces procédures. Ouais. C'est des années et des années de contentieux en cours. Alors, on a dit Starbucks, Engie. Il y a d'autres entreprises dans le collimateur en ce moment. Il y a des procédures autour de certaines entreprises. McDonald's, notamment, dont un collectif d'ONG avait révélé il y a plusieurs années. Déjà, les montages, ça se ressemble toujours avec un petit bout au Luxembourg, un petit bout en Suisse, un petit bout aux États-Unis. Et c'est vraiment, l'idée, c'est toujours la même. C'est de faire fuiter, s'évaporer les bénéfices pour que dans le pays où on est censé payer beaucoup d'impôts, on n'ait plus de bénéfices à taxer. Voilà. Donc, on s'est aperçu, depuis en tout cas cette histoire, depuis le récit, et donc qui commençait en 2014, qui était diffusé en 2016, que les choses, effectivement, évoluent. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elles évoluent pas comme on le souhaite? Qui sont finalement les ennemis de la moralisation fiscale? Oui, en fait, c'est simplement les États qui souhaitent garder sur leur sol ou attirer les grandes entreprises. Il y a une concurrence effrénée. Le Financial Times, qui est quand même pas un parangon de gauchisme absolu, appelle ça la course à l'abîme. Il y a vraiment une course vers le fond. C'est-à-dire que quand vous avez un État de l'Union européenne qui légalement fait en sorte que les entreprises ne payent presque pas d'impôts sur son territoire, tous les autres sont tentés de faire la même chose pour ne pas voir les entreprises quitter leur territoire. Donc c'est vraiment une course vers le fond. Il n'y a pas tellement d'autres mots. Voilà. Après, on peut, sur les lanceurs d'alerte, peut-être on peut se poser des questions parce qu'on va voir ce que ça va donner. La loi sur le secret des affaires, elle vient d'une directive européenne. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vont être assez courageux pour aller braver la justice, faire des années de procès? Voilà. Sur ce point-là, Raphaël Halley, qui est le deuxième lanceur d'alerte de l'affaire LuxLeaks, lui, il a été condamné à une amende, mais il n'est pas jugé par la justice luxembourgeoise comme un lanceur d'alerte. Donc il va aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de faire valoir son statut. Bon, il y a vraiment plein de points qui sont inquiétants ou à surveiller, c'est certain. Expliquez-nous comment fonctionne, à partir des lanceurs d'alerte, ce grand filtre international. Les journalistes se sont organisés avec des coopérations internationales. Donc, on a compris le principe. Ça ne veut pas dire que les lanceurs d'alerte n'ont pas le droit parce que ce n'est pas des journalistes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'il faut qu'il y ait ce filtre professionnel en soutien pour rendre l'information encore plus crédible. Crédible et compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectifs de journalistes qui se sont montés. Mediapart en fait partie de plusieurs d'entre eux. Oui. L'idée, c'est de... Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Elix. On récupère des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents et on essaye de les rendre intelligibles, compréhensibles, d'éterrer des histoires. C'est pas parce que, effectivement, on a besoin de sources, de gens qui ont accès aux documents et qui veulent les transmettre. D'ailleurs, la Mediapart vient de lancer en partenariat avec un journal allemand, un journal britannique, une campagne sur la question des données personnelles. Donc, si vous écrivez à lanceurdalerte@mediapart.fr, donc lanceurdalerte au singulier, @mediapart.fr, si vous avez des infos sur des données personnelles, la façon dont elles sont utilisées, on garantit l'anonymat, on travaille, et même on mettra en relation les sources avec des avocats spécialisés. Voilà, et si vous avez tant parlé de Mediapart, c'est parce que vous êtes journaliste à Mediapart d'un Israël. Absolument. Merci en tout cas pour tous vos éclairages et vos précisions. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, LuxLeaks, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et merci à Stéphane Beaujac qui était à la technique aujourd'hui.